heureux de tout... Hein? Ah, oui. Heureux? Heureux comme un poisson dans l'eau. Oui, mais heureux de te rencontrer, moi, ce soir. Vraiment, là, j'étais sur le point de me bercer. Jusqu'à la fin de ma soirée, de ce beau jeudi à vendredi, je dis, est-ce que je vais être seul dans le décalage? Ben voyons donc, ton public est là, ton public, merci, bonsoir, comment ça va, toi? Je t'ai attendu depuis séjour après séjour, je suis triste, séjour après séjour, je m'ennuie, séjour après séjour, un peu d'envie, séjour, séjour, et séjour, et séjour, et séjour sont longues sans vous! T'es un ramancheur d'idéologie, toi, tu devrais faire quelque chose comme, hé, en parlant de quelque chose comme... Il m'arrive des affaires, je sais pas, là. Peut-être que je suis seul, unique, sur cette planète étrange, venue d'ailleurs, comme disait mon ami Jean-Louis Aubert, sur ce caillou vert. Je pensais même pas que c'était un caillou vert. Je pensais que c'était un caillou fermé. Caillou vert, ouvert, fermé, ouvert, hein? Non, vert, la couleur, je pensais. Non, sans blague, là, je la voyais marron. La terre est marron. La terre est marron, change depuis, tout paraît triste. Et puis donc, je roulais avec mon, mon adhésif, ma prise sur terre et que j'appelle tendrement mon tombeau à deux roues, mon scooter. Je me pointais, en fait, je me pointais pas, mais je quittais le Vieux-Québec en vitesse, je veux m'en aller de là. Moi, l'enfer, ça m'intéresse pas tout le temps. Là. 11 heures, ça va, mais là, toute ma vie, je veux rien savoir. Alors, je quitte l'enfer pour atteindre Limoilou. Il n'y a absolument rien contre Limoilou, mais je n'ai rien pour, là, mais je vais passer vers Limoilou et Saint-Fidèle. Saint-Fidèle, c'est Saint-Fidèle. Il n'y a pas d'écho, oui. Voyons donc, allô? OK, il y a de l'écho, mais très, très peu. On va t'en mettre de l'écho, c'est gratis. On va t'en mettre. Attends un petit peu, toi, mon ami. Oh, là, c'est bon. Oh là là. Ça donne des petits mots de cœur, hein? Oh là là là là là là là. Est-ce que ça monte dans la pirate? Madame, ça monte? Ça monte pas. OK. Et puis là, j'arrive sur Saint-Fidèle. Je passe l'église, devant l'église Saint-Fidèle. Et mon œil s'accroche. S'accroche comme un alpiniste, s'il vous plaît, qui zieute une mention écrite par sans doute Monsieur le curé. Monsieur le curé de Saint-Fidèle qui, bien sûr, a voulu nous rassembler, puisqu'il offre. Lui ou je ne sais pas, là, ses congénères, ses amis, ils offrent à la paroisse Saint-Fidèle une formation à la vie chrétienne. Intéressant. Donc, la semaine prochaine, je vais m'inscrire. Non pas pour entendre ce que l'on veut nous proposer. Madame, non, Mad, c'est pas de l'endoctrinement. Non. On nous propose. Quand on vous vend du Tupperware, j'ai dit une marque, quand on vous vend des plats plastifiés, stick, c'est pas n'importe quoi, c'est des plats en plastique qui vont dans le congèle, dans le micro-ondes, n'importe où, tu peux tirer ça comme un frisbee. T'as pas de frisbee? C'est l'été, t'as pas de frisbee. T'as une frisbee, mais pas de frisbee, fait que... Non, tu dis, je vois à peu près, c'est pas vraiment un frisbee, mais comme je suis frisbee, on va le tirer le frisbee, puis... C'est une marque frisbee? Oh mon Dieu, on vient de se mettre dans le trou, mais j'ai un avocat, hey, monsieur. Un espèce de fruit gigantesque, là, que j'ai payé 2,50. Normalement, c'est quoi, 150$ un avocat, mais le mien, 2,5$. J'ai mis une paire de lunettes, des oreilles, un sourire, puis une perruque. Là, m'a allé au palais de justice. Ils m'ont dit, avez-vous votre avocat? Ouais, il est là à côté. Il dit, ouais, mais c'est un légume. Ben, c'est ça, il est là. Je me mets dans le trouble, moi, là. Je suis dans le temps, madame, oui, un peu. Ouais, bonjour, merci. Je connais beaucoup d'amis qui vont m'avorter. Pourquoi ta mère t'a pas laissé aller, toi? Hein, t'es arrivé en. Pas en kangourou, mais en cigogne. la cigogne aurait pu bailler puis te lâcher aller puis t'effoirer par terre, voyons! Tu contribues pas à la société, toi, t'es nuisible, t'as des idées de gauche, anarchiste, pamphlétaire, libertaire, t'es mauvais, tu pues, pis t'es pas beau. Bon. Ouais, ben beau prendre sa douche deux fois par jour, là, mais purifier, c'est pas comme ça qu'on se purifie, là. Je te conseille l'eau de Javel, un bon verre d'eau, hein? Un bon verre d'eau de Javel, là. Hey, monsieur Javel de blues. Javel de blues, t'étais jalouse. Javel de blues, t'es dans la blouse. Javel de blues, j'ai vu du bon. Mais non, je vais m'inscrire, madame. Et je placerai sur mon corps des senseurs. Hein? Des senseurs. Pas des senseurs, des senseurs. Donc, pour capter le son que les membres, je veux dire, des professeurs, là, c'est pas des profs, c'est quoi, c'est des clans. Oui, ceux qui connaissent la chose, là, qui connaissent la nouvelle. Moi, je ne connais pas la nouvelle, là. Je lâche les journaux depuis 2 ans. Je m'en porte mieux. Mes doigts sont moins salissants. Ça salit plus, ça. Ah, ben, voyons donc. J'ai même plus de noir sur le bout des... C'est du clavier. J'ai des U, des L, des P, des T, des Q, des R, des S. Des... Mais à force d'écrire Québec, j'ai beaucoup de Q, puis j'ai beaucoup d'accent aigu, parce que j'aime bien ça. En parlant d'accent aigu, quelques semaines, c'est les élections. Madame Beaumont, faites-vous en pas. Je parle pas d'élections comme ça, là. C'est pour vous dire qu'on m'a appelé. Le téléphone sonne. Normalement, ça sonne jamais. Ça sonne jamais à ce téléphone-là. J'ai 2 téléphones. Mon téléphone Batman. Batman! Quand j'ai une mission à accomplir pour sauver l'humanité québécoise. Téléphone rouge sonne. J'ai dit, oh non, je suis pas prêt, là. Je suis dans le sauna. Ouais, avec Sonia. La belle Sonia Brisebois. Ah! Oh, de l'amour à volonté, ça. Après le buffet à volonté, je dis, Sonia vient. Elle travaille au. Elle est. Comment que. Pas que. Elle est serveuse. Dans ce buffet à volonté-là, je dis, ma Sonia vient-t'en. J'ai un beau petit bain avec des bubules. Puis, ah, oh, j'ai de la bubule. Oh, dans le frigo. La bubule. Ben, la bubule. Là. Champagne. Elle dit, pas du mousseux. Ben non, pas du mousseux. Voyons donc. J'ai de la classe. Moi, je voyage à Paris à chaque année. Voyons donc. J'ai le français contemporain, puis j'ai l'oreille pas si vilain. Puis surtout, je connais le vin, puis le champagne, puis le porto, puis le porno, puis voyons donc. Fatigue-toi pas, là. Viens, fatigue-toi pas. T'as marché 25 000 d'aller-retour. C'est bien beau les buffets à volonté, mais ma Siona... Viens, tu seras approprié dans ce petit bain bulle à Rénal. Et puis là, elle arrive. Je dirais, elle y va. Je trouve clair, moi, là, hein? elle fait son apparition dans l'eau, comme la Vierge, peut-être dans les cours de relaxation, de formation chrétienne. Jésus va venir nous parler, j'espère. Hey, si je prends ce cours-là, c'est pour rencontrer Jésus. J'ai trois idées à lui proposer pour l'avenir de l'humanité. Petit Jésus, pourquoi t'es petit? Pourquoi t'es pas grand? Non, c'est important de savoir ça. Pourquoi t'es petit, petit Jésus? Hein? Dieu, il est grand. Toi, t'es petit. Petit Jésus. Pourquoi t'es petit Jésus? Bon. Deuxièmement, t'es l'âne, là, puis tous les animaux qui te soufflaient dessus, là. Qu'est-ce que ça sent? Moi, j'ai un petit Benjo, là. Tu sais, petit poilu, un yosh, je place ça, moi, je me suis fait comme une crèche rénaldienne, là. Grandeur réelle. J'ai mis mon scooter puis mon petit Benjo. Puis, comme c'est un scooter électrique, ça me crache pas de, comment t'appelles, d'effervescence de gaz, là, mais ça m'a envoyé de l'électricité. Comme une chaise électrique avec un petit Benjo qui te lèche la face, le visage. Hey, puis tu pourquoi les animaux, tu soufflais dessus pour te réchauffer? Mais là, ça sent quoi, tu vois, l'âne, la belette et quoi? J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Le lièvre, ça se casse. Non, c'est une chanson. Mais il est étudié. Hey, t'es Jésus, t'es Jésus. Dernière phrase. Pourquoi t'es tombé 3 fois? Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? 5, 6? 12, 15? Non, 3 fois. Fait que moi, là, quand je dis, quand les gens, parce que je connais des gens, moi, qui ont arrêté de fumer. Tu sais, des gros fumeurs, là, 350 livres de boucan. T'as-tu des allumettes? Non, j'ai des briquets. T'as pas d'allumettes, moi, tu fais ça, des allumettes. On comprend pas, tu sais, c'est... Ils sont déjà morts, là, mais ils sont sur les respirateurs. Mais on sait pas s'ils vont vomir en même temps, c'est merveilleux. Voulez-vous une petite bière? Monsieur. Et puis, quand vous tombez 3 fois, tu y es eu. C'est merveilleux. Moi, j'ai vu ça là, sur Surround Digital Dolby, là, en Max 3D. Là. Hey, ça tombe pas à peu près. Hein. Même le siège bouge. Le siège a bougé. Hey, quand le siège bouge, c'est pas n'importe quoi, là. Excusez-moi, je m'emporte, là, mais c'est parce qu'il y a le diable avec sa fourche qui me pique là, dans le trou de pitement. Ça, pourquoi 3 fois? Qu'est-ce qui se passe 3 fois? 3 fois? Fait que le monde qui arrête de fumer, qui m'arrive à... Voulez-vous de la bière? Je leur dis, ça fait 2 fois que j'ai arrêté de fumer. Monsieur, Jésus est tombé 3 fois. Il est en train de mourir, là. Jésus, pas n'importe qui, toi, t'es quoi? Gaétan Garbeau, bon. Gaétan Garbeau, t'es tombé quoi? 2 fois? T'es Jésus 3 fois? Laisse-toi une chance! Sinon, on va te crucifier, tu vas voir, tu fumeras plus! Tu fumeras plus, tes mains pourront plus joindre à ta bouche. Y'a rien! Y'a rien! T'es un rien après ça. J'ai fait un seul pour vous faire arrêter de fumer, vous autres. Descendant en bas, vous crucifiez, on filme ça, on met ça sur YouTube, on fait de l'argent. Ah, mon dos. Ben oui, c'est pas des vrais clous, ben, sans chocolat. Pas un violent, moi, là. Pas capable de. Je vois une mouche, là. Non, je te tue pas, là. Tue-moi. Hey, là, elle m'arrive, là. Hey, c'est pas des petites mouches, là, comme disait Chose. C'est des mouches d'élevage. Ça pèse 300 livres. Ça fonce vers toi, ça a plus des yeux, c'est plus des orbites, ça là, c'est des satellites espions qui t'arrivent dessus. Tu te dis, voyons donc. Ben, moi, Jésus est tombé 3 fois, mais moi, il m'a fait effoirer juste une fois, puis il m'a crevé. Puis si je meurs, moi, je vais pas aller au ciel, je vais aller avec les prostituées. Voyons, la ballonne, je viens de péter la ballonne. Les gens regardent. Pétez la ballonne, putain, pétez la ballonne. Ça a plusieurs significations. Plusieurs significations. Demandez à un Québécois qu'est-ce que veut dire péter la ballonne. Réserver cet espace-là où rien ne se passe. Recréer cette aire de jeu juste ici. Dans l'action de l'existence, placer les pions, les articulations dramatiques sur les planches de la vie, reconstituer le bonheur à l'heure où le drame se fait lui-même échec et mat, revivez encore l'angoisse du nourrisson pour connaître vos futures frustrations, restez vivant pour mieux mourir. C'est moi qui ai écrit ça en passant. C'est moi qui ai écrit ça. On offre à Québec, dans la paroisse Saint-Fidèle, je vous l'ai dit, une formation à la vie chrétienne. À ce moment-ci, Jean va être là. Qu'est-ce que tu as contre Limoilou? J'ai rien contre et rien pour non plus. Elle va consulter avant même se consulter. Se poser des questions qui nouent son existence. Elle veut de la facilité, de la guérison instantanée pour se permettre d'évoluer au milieu d'une société qui ne l'est pas. Je tourne les pages, il n'y a plus de rien. Il n'y a plus de... C'est les pages blanches. Puis les pages blanches, bien là, ça crée au niveau... Je l'ai déjà dit la semaine dernière, madame... Il y a deux semaines, trois semaines. L'année d'un... Il y a un demi-siècle. Chronologie. Ben oui, mais j'ai pas. Allez voir mon. Ouais. Oui. Non, c'est que. Il est minuit 20. Presque 20. Je dois enchaîner. J'ai des gens. Ben oui. Ben là, je vais passer toute la. Excellent. Puis je vais arriver. Oui, le 30 octobre. Mais voyons donc. Je suis au courant. Oui. Mais, OK. Restez là, OK? Aujourd'hui, le vendredi 30 octobre 2015, les errances rénaldiennes présentent. Pas rénaldienne. La fille de mon ancienne blonde dit hey, Rénaldine! Elle m'appelait Rénaldine. Voyons. Pas parce que je mets une robe, puis soutien-gorge, puis le rouge à lèvres que je suis Rénaldine. Laissons sur la chose. Hey, moi, avoir des appels de Moses. Laissons sur. C'est pas un Moses. Non, monsieur. Non, mais c'est pas un Moses. Laissons sur la chose. Hein? Je sais chercher chanchouchat. Mais je sais chercher avec Benjo. Benjo, il chasse. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Il y a quelques semaines, je parlais que... Oui, c'est la semaine dernière. Vous savez, les mets rapides, le mets rapide où je me suis rendu, je ne sais pas où, là, près de... Et monsieur, oui, exactement. L'île aux coudes, mais avant l'île aux coudes. Bon. Et puis, mais rapide, mais le monsieur était tellement âgé qu'il allait très, très lentement. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il y a un gars du Saguenay là, qui est venu à Québec pour travailler. Puis, hey, nous autres, on est calme, là, on va lentement, puis on est de même. Puis, mais oui, mais moi, j'ai aucun problème, là. Quand je vais dans un restaurant UP, 4 étoiles, 5 fourchettes, 18 étages, ça me dérange pas de prendre 6h30, 2 ans, 20 ans à manger, je suis là pour ça. Mais quand tu te pointes dans un restaurant de mets rapides, le mot le dit, rapide, vas-y, fais-la chauffer ta boulette de steak puis calife-le dans le pain. Placez-le dans le pain. Puis les oignons, là, pas au pied, là, cru dans le pain avec le steak à chier. Fermez ça, mettez ça dans un emballage, m'envoie ça du ketchup, mettez-en du ketchup, me dérange pas, je fais tout. Si je suis souillé, j'en ai rien à cirer, mec. Hein? Et puis, pour nous envelopper dans un... Unissons-nous autour de la belle Garance. Garance se présente sur scène avec justesse et honnêteté. Elle choisit de faire résonner ses mots au travers d'un son brut sans apprêt. Après plus de 200 concerts et un album, elle a été accompagnée par la Radio Nationale France Bleu, mais Errance Rénaldienne en 2014... Errance Rénaldienne en 2015 était là pour la rencontrer. Voici la deuxième partie de notre dernière étape de cette rencontre. Je suis clair, c'est là, mon... oui! Je ne compte plus mes cheveux blancs, lubie de jeune fille ou jeu de quilles. N'oubliez pas d'aller voter au cas où ça servirait. Je ne compte plus les déchirures d'avoir trop couru. Je m'endurcis l'équation de la conjoncture. C'est la crise, je te mens pas, je te jure. Bourse en hausse et morale en baisse. Je ne compte plus les trahisons, tromperies, culottées, impolitesse. Je m'en retourne à ma prison. Je ne compte plus, mais j'encaisse.

joue pas mal au basketball. Qui joue pas mal de rock'n'roll. Et quand t'étais là, je ne savais rien dire. Et s'interpose pour s'approcher un peu des gens, parce qu'on les aime plus qu'on suppose. Moi je t'aime encore. Un type qui joue pas mal au basketball, qui joue pas mal de rock'n'roll. Rien dire, il parlait tous aussi fort. Tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un qui tient ton regard aussi fort. Semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons des abeilles, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe, et ce mot m'a été remis par un client qui était barman et aujourd'hui retraité, et son frère fait de la radio à CKRL, une émission de jazz, donc j'irai pas plus loin dans la description. Son mot, je l'ouvre ici, parce que j'ai mis devant lui, pour ne pas qu'il s'imagine que je mette l'œil dessus avant de l'ouvrir là maintenant. Ben, j'ai mis une broche. Je l'ai broche. Hein? Bernard, je l'ai broche à double amour. Broche à je ne sais pas ce qu'il y a écrit, là. J'arrive et je regarde. Son mot est irritant. Ça doit être moi, je dois être irritant. Irritant. Irritant. Là, il faut que je m'inspire là-dessus. Là. Ce qui est irritant va rester dans le château symbolique de la francophonie. Je me laisse inspirer par le mot, ça surprend. Irritant, ça surprend parce que je me souviens, moi, la première petite irritation que j'ai eue dans ma jeunesse. C'était avec ma petite couche. Une petite couche. Une couche de prélo, une couche de peinture, une couche de tapisserie. Puis là, à un moment donné, hein, la vraie couche, ça irritait. Ça faisait mal, ça gratouillait, donc je pleurais. Puis j'avais après ça j'avais un breuvage. Normalement, c'était du lait. 3,25. Provenant de ma maman. Pardon? De ma maman? Ma maman, ben viens donc. Le lait, ça vient de qui? Ça vient pas des papas? Oui, je sais que les pères, aujourd'hui, 2015. Hey, allô. 10, 15, 4 chaud, Roger. 4 chaud. Non, c'est une nouvelle impression bulgare pour dire allô, les imbéciles. Les imbéciles, c'est les gens qui s'imaginent que les papas ne peuvent pas donner de breuvage. Voyons, d'or. Les pères peuvent donner de la bière à leur fils. Moi, j'ai hâte de. Sincèrement, là, j'ai bien hâte que mon petit atteigne la majorité. C'est-à-dire 5 ans, maternelle. On va y apprendre, moi, comment déboucher. Déboucher vers une carrière intéressante. Pas devenir comme son père. Derrière une caisse enregistreuse. 3,55, s'il vous plaît. Je vous redonne 12 cents. Merci. À la prochaine. Merci. T'es vu comme à moins que rien. Là, aujourd'hui, c'est quoi ce cellulaire? Oui, ben oui, je l'ai rencontré hier, elle n'était pas là. Je vais te prendre un chocolat. Eh bien, c'est ça, mais oui. Le petit commis. 3,55. Ah, ben voyons donc. Monsieur, 3,55. Ouais, je l'ai bien rencontré, mais elle a le sida. Qu'est-ce qu'elle me. 3,50, monsieur, 3,50. Ben voyons donc, attends un peu. Là. Oui, 3,50. Ben oui, 3,55. Tire 3,55. Eh, monsieur. Monsieur, 3,60 d'abord. 5 cents pour vous avoir enduré. Moi, c'est pas ça que je fais, moi, là. Quelqu'un est au cellulaire. J'arrête. Il y a du monde, j'arrête. Ouais, mais c'est ça. Ah, ouais, ouais. Elle est malade, hein. Elle a maigri. Là, il voit bien qu'à la caisse, il se passe rien. Attends un petit peu. Là. Oui, monsieur. Oui, OK, là, vous me parlez, là. Oui. OK. On va parler. On est des humanoïdes, là, actuellement. Il n'y a pas de virtuel. La personne qui est à l'autre bout du fil, là, que tu vois pas, là, elle n'est pas là, là. Ben là, mais elle va attendre, là, parce que tu veux pas avancer. Ben non, je veux pas avancer, moi. Avancer de même, c'est pas avancer. Pour moi, c'est reculer. Là. Je sais que toi, t'as l'avant-garde pas mal rétro, là. Moi, c'est pas de même que je vois ça, là. L'humanité court à sa perte. Et croyez-moi, c'est un irritant pour les rangs. Il y a plein d'irritants pour les rangs, là. L'incohérence est pour moi une belle façon de placer du baume. Et pas la baume, là, du baume. La baume est un irritant. Je compte mon argent, il me reste moins d'argent. Ça mérite. Ça mérite rien, ce gars. Il y a des gens qui méritent absolument même pas que je prononce son nom. On censure, 107,89,1. Il n'y a pas de 107, c'est 89,1. C'est quoi, RL? Ça, c'est pas un irritant. Ça, c'est de l'eau de source, comme chantait Guy Béard pour sa fille, Emmanuelle. L'eau se tombe, ta-dum, ta-dum, ta-da-da-dum, ta-dum, ta-dum, ta-da-dum, ta-dum, ta-dum, ta-da-da-dum, ta-dum. Ça, c'est pas un irritant. Ta-dum, ta-dum, ta-da-da-da-da-dum, ta-dum, ta-dum, ta-da-da-da-da-dum. Ma petite est comme l'eau. Elle est comme l'eau vive, c'est beau. Ah, ça, c'est... Il y a des choses qui, pour moi, deviennent des flatulents. Flatulence rénaldienne, le jeudi à 23h. Hey, ça flatule là-dedans, là. C'est plein de mots, d'idées, de phrases, d'incohérences qui veulent sortir en même temps dans un flux verbatim. Hein? Le verbomoteur, là, a même pas besoin d'être électrique. Lui, c'est pas physique, c'est électrique. Alors, nous allons placer, selon moi,

Ever changing.

Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Madame, madame, on rêve seul, madame. On a dû vous le dire, madame. Et puis l'on rêve trop, madame. Cela on vous l'a pris à vos dépens peut-être ou à votre profit, madame. Et que ferions-nous d'autre? On rêve et on est seul, madame. Madame, madame, on rêve tard, madame. Quand on a la malchance, madame, de manquer de hasard, madame. Ou bien de providence d'être désaffecté comme un mort inutile, madame, d'être désamouré comme un cœur imbécile, madame. Madame, madame, on rêve bien. Madame, quand on a bien baisé, madame, quand on a su coller, madame, de bouche à notre fin, deux fois de bras étreints, deux fois de yeux noyés, madame, dans ce rêve commun qu'on appelle s'aimer. Madame, madame, on baise trop, madame. Quand on a dans les reins, madame, cet impérieux démon, madame, qui ne vient jamais tard, qui ne part jamais tôt, madame, on aime tant, madame, qu'on a tort et travers. Quand on a vos yeux verts et qu'on le sait autant, madame. Que ferions-nous d'autre? On rêve et on est seul, madame. Love's design.

frappé à sa porte, je lui ai demandé « Salut, comment ça va ? » Bien, elle m'a dit « Génial, je vais me marier demain, d'ailleurs je te présente Charles. » Ah mais, je croyais que t'étais... Quoi ? Non, rien. Je crois bien que la voisine de Paline voudra juste être une copine, tant pis, on pourra au moins boire du thé. Sur Susan, sur son charme et sur ses orientations. Elle m'a dit passe à la maison, un petit jour on boira du thé. On écoutera des chansons et on pourra sympathiser. Effectivement la voisine de palier veut simplement être une copine. Je ne boirai plus jamais du thé et j'irai danser seule au Queen. Abadadam. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Jean-Sébastien.